Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 19e épisode de La Mécanique des Ondes, trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec celles qui sont devant et derrière le micro. Vous avez bien entendu, j'ai dit celles qui font la radio sont à l'honneur dans cette série d'été de La Mécanique des Ondes que j'ai appelée Les Ondes Féminines. Pour le troisième épisode de cette série, j'ai le plaisir d'avoir en studio une preneuse de son, une technicienne des ondes à Radio France. Bref, je viens de me rendre compte que ces noms ne se mettent pas du tout au féminin, ou en tout cas très difficilement. Bonjour Clémence Bonfils. Bonjour. Alors, première question habituelle dans cette émission, vous êtes au micro d'une radio associative et j'aimerais tout simplement savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Oui, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle mon métier, ça me rappelle là où j'ai commencé à Radio Campus Rennes. Voilà, moi je connaissais pas du tout la radio en fait avant. Enfin, je connaissais, j'écoutais, mais c'est un média qui m'avait pas vraiment intéressé plus jeune. Et c'est quand je suis arrivée à Rennes pour faire mes études que je me suis dit bon, donc c'était une école de son. Je me suis dit voilà, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes. J'ai pas envie de rester que dans mon école avec les gens de mon école, parce que je viens de Saint-Étienne à la base. Donc je découvrais une région, je découvrais une ville, et donc je me suis dit bon, bah, pour sortir de ça, je vais aller voir Radio Campus, ce qui se passe, et puis donc je suis arrivée là-bas. Au départ, je postulais pour être technicienne, parce que bon, voilà, il y avait un lien bien sûr avec mes études et avec mon futur métier, mais je savais pas encore que j'allais faire ça à cette époque-là. Et je me suis retrouvée à faire de la programmation de musique électronique pendant, j'ai fait ça quoi, 2 ans et demi, 3 ans. Et c'était génial. Alors, c'était école chouette. De son quand même au départ. Donc, il y avait cette envie de quoi, de travailler dans la musique, si c'est pas la radio? Ouais, non, c'était travailler dans la musique. Moi, j'ai toujours aimé la musique. J'ai grandi dans une famille où on écoutait beaucoup de musique tout le temps. Mais j'aimais aussi beaucoup le cinéma. Le son au cinéma, tout ça, ça m'intéressait. Donc j'ai fait un an d'école prépa avant de faire cette école de son donc à Rennes. Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était le son. Et pas seulement la musique. Ce que c'était que le son, comment ça marche avec les ondes, voilà. Quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on peut pas toucher, qu'on peut ressentir, avec les basses, les infrabasses, peut autant toucher. Voilà comment ça se passe au niveau de l'oreille. Enfin, il y a quelque chose de très magique, très scientifique même aussi à la base. Oui, complètement. Oui. Enfin, voilà. Donc 2 ans et demi à Radio Campus Rennes. Ouais. Et alors, vous tapez à la porte au début pour dire bonjour. Bah c'est ça. Ça m'intéresse. Ouais, c'est ça. En fait, j'habitais sur le campus de Villejean. Et puis je suis rentrée un jour dans l'université là-bas. Il y avait les locaux. Et voilà, est-ce que vous recherchez des gens pour travailler avec vous? Et voilà, j'ai rencontré le programmateur, enfin le chef de programmation de l'époque, qui s'appelait Mathias, qui, enfin en fait c'est grâce à lui que moi je pousse mon premier fader de radio, quoi. C'est vraiment et on discute et puis il me dit mais attends, on cherche quelqu'un pour faire la programmation musicale. Donc je lui dis ben écoute, pourquoi pas, voilà, on parle de musique. Et donc je me retrouve à passer un entretien, en fait mon premier entretien d'embauche c'était à Radio Campus, voilà. D'accord. Et donc la programmation musicale, c'est le choix des morceaux, donc à la base c'est pas forcément pousser des boutons. Non, c'était vraiment la musique, voilà, ce qui m'intéressait c'était la musique. Et c'est vraiment voilà, au fur et à mesure de l'avancée dans mes études, dans ce que je voulais faire, dans ce qu'il était possible de faire aussi, parce que je pense qu'on est pas mal de gens, je faisais un peu de musique, mais bon, pour vivre de la musique, je pense qu'il faut avoir quand même du talent, et moi j'avais pas du tout ce talent là donc je me suis dit bon, il faut que je trouve un métier qui a trait à la musique, au son. Donc je me suis dit, un métier dans le son. Parce que c'est des métiers qu'on connaît pas vraiment, en fait. Je crois pas qu'au lycée, on m'ait parlé de BTS audiovisuel, d'école de son ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment après, en grattant sur Internet, que... Si on est vraiment passionné, on cherche et on va découvrir exactement les choses. Ouais. Et il y a plein de choses. Et c'est super. Et donc pourquoi vous faites de la réalisation à Radio Campus Paris ou vraiment que de la production ou vous faites plus de direct ou... Alors, comme moi j'étais, donc ils m'avaient prise pour faire la programmation musique électronique, on animait en fait une émission par semaine d'une heure, où on présentait les nouveautés qu'on entrait en playlist la semaine. Donc j'étais à la fois à pousser les faders de radio et à essayer de parler dans le micro. Ah ouais. Ouais. Ah, il faudrait retrouver ça, Clémence, et nous faire écouter. Justement, vous avez fait un peu de micro, ça vous a plu? Franchement, non. Non, moi j'aime bien être la personne qui branche le micro. Je trouve ça très impressionnant en fait de parler de micro. Là, je suis pas très à l'aise, je transpire un peu. C'est un métier quoi, de parler dans un micro. C'est un vrai métier. Moi, j'avais pas les capacités du tout pour faire ça. Bon, alors comment vous évoluez à Radio Campus Rennes justement? Parce que vous animez cette émission, mais après on vous confie d'autres choses, il y a quelques perspectives. Non, je crois que ce que j'avais là me convenait très bien. Et puis c'est une radio, alors Radio Campus qui donne sa chance, voilà, à des gens qui connaissent absolument pas la radio. On fait ça bénévolement. Il y avait une très bonne ambiance. Et puis Rennes est un pôle en plus attractif parce qu'il se passe plein de choses. Avec les Transmu, il y a l'Ubu qui est une salle de concert qui était top, des clubs, des machins, donc Radio Campus m'apporte l'exploitation pure, c'est-à-dire techniquement faire des choses, mais après l'ouverture, je dirais que c'est plus la ville d'être à Rennes qui m'ouvre en fait vers d'autres choses, d'autres envies, qui me nourrit de plein de manières et qui me permet aussi de faire la connaissance de Radio France, enfin en tout cas des antennes France Bleu, parce que moi je connaissais France Musique, France Info, France Culture, les antennes nationales, mais je ne savais pas qu'il y avait des antennes France Bleu, parce qu'à l'époque à Saint-Étienne il n'y avait pas de France Bleu. Maintenant il y a une antenne qui a été ouverte il y a 2-3 ans. Donc je découvre Radio France comme ça donc je vois que la radio me plaît avec Radio Campus, les choses se passent bien, je me dis, c'est en parallèle de votre école du coup? Oui, toujours, tout à fait. Et au sein de mes études, donc justement on doit faire des stages en deuxième et en troisième année. Là je me dis, la radio c'est sympa, on peut faire plein de choses. Il y a France Bleu, Radio France, c'est une grosse boîte, il y a peut-être du travail derrière. Donc je me dis, je vais faire un stage à France Bleu. Donc je me suis retrouvée à France Bleu Armorique pour ma deuxième année d'études. C'était un stage de 2 mois, je crois, ou 3, je me souviens plus. Et là, je découvre la Maison Ronde. Et alors ça fait quoi? Ça fait quoi, Clémence, de découvrir au moins une France Bleue? Parce que c'est vrai que ça reste quand même Radio France. C'est un monde, en fait. Là tout un monde s'est ouvert. C'est le monde de la locale. Donc là encore, c'est une autre manière de travailler, assez autonome. Je peux plus parler bien sûr du côté technique, après l'éditorial. Tant que vous définissez les termes, ça va. L'éditorial, c'est pas mon domaine, hein. Mais voilà, techniquement, je voyais des petits bonhommes à tout faire, le nez dans leur table de mixage, le nez en train de bidouiller leur micro, le nez dans les ordinateurs, très très autonomes dans leur travail. Ils travaillaient tout seuls, pas de réalisateur. C'est les personnes qui sont donc à côté des techniciens sur certaines antennes radio qui guident un peu le déroulement d'une tranche ou d'une émission. Donc ça, j'aimais bien ça, je trouvais ça intéressant, ils faisaient plein de choses, je me suis dit, ce métier, ça peut être vraiment sympa, quoi. Et donc je tombe sur un technicien à France Bleu Armorique, dont je me rappelle plus, Christophe, je crois qu'il s'appelait. Et il me parle de la Maison Ronde, donc de la maison de la radio à Paris. Il me dit, mais tu sais, il faut absolument que tu ailles à Paris, parce que là, tu auras plein de métiers différents, tu vas pouvoir toucher à plein d'antennes. Voilà. Et il me parle du DPR, donc le département de production reportage. C'est là où je suis actuellement. qui me parle un petit peu du métier. Et là, je lui dis, moi, je veux faire ça. Il m'a dit, bah, si tu veux faire ça, il faut que tu ailles à Paris. Et tu sais, le chemin est long parce que c'est très demandé. On nous demande des compétences un peu élevées. Et donc, il faut le temps de les assimiler. Voilà. Et donc, j'ai construit, en fait, tout mon projet professionnel pour arriver à ce but-là. Et là, je suis en deuxième année d'études. Donc, je sais que ma troisième année, je vais refaire un stage à France Bleu Armorique dans l'optique de partir sur Paris après pour aller travailler. Quoi. Donc, deux ans de suite, vous retournez à France Bleu Armorique. Ouais. Et qu'est-ce que vous y apprenez, finalement? Quel domaine vous approfondissez? Qu'est-ce que j'approfondis? Un peu tout, c'est-à-dire qu'à l'école, ça reste quand même très théorique, même si l'école que j'ai faite, on fait de la pratique, mais ça reste encore la pratique à l'école. Concrètement, dans le travail, c'est encore autre chose, quoi. Donc, j'y apprends le travail avec les autres, Avec des professionnels, voilà, aussi, comparé à Radio Campus, bien sûr. Effectivement c'était des bénévoles, là vous avez des journalistes, voilà, professionnels. Voilà, des journalistes, des techniciens, une rédactrice en chef à l'époque, donc voilà, tout ce monde qu'il faut faire vivre ensemble, et je découvre le métier de technicien, un métier aussi un peu tampon entre toutes ces personnes-là, donc les journalistes, les animateurs, voilà, parce que nous on est amené à travailler avec toutes ces personnes. Donc voilà, s'adapter beaucoup à la personnalité de la personne qu'on a en face de toi, en face de soi, pardon, en fonction de ce qu'elle fait, de ce qu'elle va nous demander. Voilà, je découvre le côté donc humain, le travail en équipe aussi beaucoup. Il y a un vrai corporatisme, je trouve, de technique, et ce que je découvre de manière encore plus forte quand j'arrive à Paris plus tard. Mais voilà, il y a vraiment un truc de clan. Alors ça n'empêche pas les tiraillements qu'on peut avoir, mais bon, c'est normal au sein d'une équipe, voilà. Mais il y a vraiment ce truc de on s'entraide, et ça me plaît bien, ouais. Il y a un côté un peu scout peut-être là-dedans, ou je sais pas, famille, colo, ou je sais pas, un truc. Et ça, cet esprit d'équipe là. Voilà, je me suis pas sentie seule en arrivant. J'ai eu la chance aussi de tomber sur des gens qui étaient très ouverts et qui avaient envie de donner des choses, quoi. Voilà. Bon, Clémence, mon fils, c'est le moment de la première pause musicale. Ouais. Alors, vous avez choisi quoi? On va écouter Cannes avec Vitamine C. You're losing your vitamin C. toujours dans la mécanique des ondes avec Clémence Bonfils. Aujourd'hui, on a écouté Cannes avec Vitamine C. C'est quoi ce groupe, ce chanteur? Ça sort d'où? Cannes, c'est un groupe de krautrock allemand des années 70-80. Il y a même quelques membres qui continuent à faire des choses maintenant et encore de nos jours. Et moi, j'adore Cannes. Hein, je suis vraiment... c'est une musique que j'adore et un côté rock et c'est complètement intemporel parce que je crois que ce morceau-là date, il me semble, hein, du tout début des années 70 et je trouve qu'il y a quelque chose encore de très, très contemporain dans ce morceau. Voilà, j'aime beaucoup la batterie notamment. D'accord. Ouais. Alors Clémence Bonfils, on vous a laissé à France Bleu Armorique, donc vous avez fait deux stages consécutifs, hein, c'est ça, hein, dans votre école de son. Le deuxième stage, c'est le stage de fin d'études complet avant que vous partiez. Alors qu'est-ce qui s'y passe et comment ça se déroule après? Donc je refais un stage de 3 mois derrière et je vais voir donc le patron de la technique de la chaîne. Je lui dis écoute voilà j'aimerais travailler France Bleu donc lui il me redit écoute faut que tu postules à Paris parce que moi j'ai pas de travail en ce moment voilà donc je passe par lui je lui donne mon CV il l'envoie à Paris et je me retrouve à passer un entretien peut-être un mois après donc à Paris donc j'arrive je passe l'entretien. On m'appelle le lendemain, on me dit, bah écoute, faut que tu sois dans 2 semaines à Paris pour attaquer ton nouveau travail. À la maison mère. Voilà. Donc là, déménagement, on trouve un appart. Et puis voilà, arriver dans la vie active. Quoi. Alors je reviens un peu en arrière, vous êtes originaire de Saint-Étienne. Ça vous a jamais tenté de revenir dans votre région d'origine pour aller chercher éventuellement du boulot? Non, déjà, je pense qu'en trouver là-bas, c'est compliqué. Et puis encore une fois, j'avais moi mon objectif qui était de faire du DPR. Donc, je savais que pour ça, il fallait que je reste à Paris. Donc, revenir en région. Alors peut-être plus tard, dans quelques années, je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas à l'époque et encore maintenant, non, c'est pas du tout d'actualité. Non. Alors, c'est en quelle année que vous rentrez du coup à Radio France? Ça doit être en tout début 2008. Ouais. Ouais, février, quelque chose comme ça. Donc là, vous rentrez au DPR? Non, non, non. Alors là, j'arrive au bureau des renforts. En fait, c'est... Il faut l'expliquer. Voilà. Tous les départements de Radio France. C'est très stratifié, vraiment. En fait, c'est une équipe de techniciens, donc d'antenne, qui sont amenés à travailler sur toutes les différentes chaînes de la radio. Donc... voilà, France Musique. Selon les besoins. Voilà, en fonction des besoins du monde des chaînes. Donc c'est très formateur parce qu'on est amené à travailler sur plein de chaînes différentes, de côtoyer plein de gens différents. Et là, on travaille encore plus ce côté d'adaptation, de... Donc c'est vraiment très bien Radio France, je trouve cette équipe-là, enfin ce bureau des renforts, quand on arrive. Alors y rester, je trouve ça compliqué parce que justement les limites de ça, c'est que peut-être qu'on a envie à un moment donné de vouloir s'investir un peu plus dans une antenne. Et là, comme on y passe, juste. Vous n'avez pas le temps de créer des liens. Mais on peut pas s'investir vraiment dans une équipe, dans un projet, dans quelque chose de en tout cas qui moi m'intéresse au-delà du travail qu'on nous demande. J'ai fait 3 ans de bureau des renforts. J'ai travaillé essentiellement sur France Info et le MOUV. Feu, le MOUV. S'appelle maintenant MOUV. Voilà, MOUV tout court. Et donc je me retrouve 3 ans après à postuler pour intégrer donc le MOUV qui était toute première radio sur laquelle j'ai travaillé et avec laquelle j'avais beaucoup d'affection. J'ai toujours beaucoup aimé travailler, j'ai toujours beaucoup aimé cette antenne et j'aime beaucoup le travail qui nous était proposé là-bas. Donc 3 ans après ce bureau des renforts, je suis titularisée au MOUV et là j'y reste pendant 4 ans. 3 ans, 3-4 ans. Ouais. Alors je reviens un peu avant. À France Info, vous faisiez quoi? Direct, montage? Alors à France Info, on fait tout. On fait le direct d'antenne, on fait un petit peu de production. On monte les jingles, les promos, tout ça. Donc on a les deux casquettes. Et vous préférez quoi? Alors moi, à France Info, quand j'y travaillais, je préférais l'antenne. je trouve l'antenne de France Info à faire géniale. Il se passe plein de choses. Ils ont une équipe technique qui est au top. Je trouve que tous les techniciens là-bas sont super. Il y a un vrai degré d'exigence et de... Mais ça va être tellement vite, l'antenne de France Info. Il doit y avoir une dose d'adrénaline. C'est ce que j'aime, justement, cette antenne-là. D'actu un peu, voilà, on monte en pression de temps en temps, donc moi j'aime ça. Ce que j'aime dans l'antenne, c'est l'adrénaline, c'est voilà, tout un coup il se passe quelque chose, ça s'excite de partout, ouais, on fait un truc, ça j'aime bien. J'ai un peu plus de mal dans le boulot avec les antennes un peu plus entre guillemets plan-plan, où voilà, c'est plus calme, plus alors c'est très agréable à écouter, mais à faire moi, ça m'intéresse pas vraiment. Donc, du coup, après France Info, donc ce que vous disiez, c'était le Move, ouais. Où vous avez fait également donc direct et production. Alors au début, j'étais au direct. J'ai fait le Laura Lichman Project pendant 2 ans, 2 premières années. C'était une émission de musique, voilà, d'ailleurs, qui disparaît l'année prochaine, d'ailleurs. Après, je suis allée, j'ai fait beaucoup de productions au Move les 1 an et demi, 2 ans après. Donc là, de la production, donc des émissions à contenu, à monter, à mixer. Des promos, des jingles, donc tout ce qui est habillage d'antenne. Voilà, mais ce qui était chouette au Move, c'est qu'on avait une vraie liberté dans la création. On pouvait apporter vraiment des choses. On n'avait pas quelqu'un qui nous disait, bon, là, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Là, on pouvait vraiment s'investir dans un projet, proposer des choses. Ils étaient même demandeurs de ça. Donc, on n'était pas juste des techniciens dans le sens, voilà, en plus exécutif, un fader, quoi. Voilà. On nous demandait autre chose. Il fallait un petit peu plus réfléchir, un peu plus. Et ça, j'aimais bien, ouais. Ça m'intéressait, travailler sur des logiciels de production, de montage, voilà, Pro Tools, Reaper, pour ceux qui connaissent. Bidouiller sur les ordinateurs, ça j'aime bien, ouais. Et la couleur musicale, elle vous parle également ? À l'époque ou maintenant ? Le sujet qui fâche. Voilà, je sais pas si on va l'aborder, mais... À l'époque où vous y travailliez, ça vous parlait ? Ouais, ça me parlait. Même si j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'ouverture, notamment vers le hip-hop, vers la musique électronique. Voilà, je la trouvais un peu trop rock. Je trouvais qu'il y avait plein de choses qui se passaient dans ces années-là, qui n'ont pas franchement été mises en avant sur le Move, en tout cas, côté musical, quoi. Même si on avait quelques émissions comme ça, un peu pépites, où c'était très spécialisé, où on entendait des choses qu'on n'entendait pas ailleurs. Et ça, c'est une vraie richesse du Move, mais qu'on retrouvait pas sur une journée type. C'est-à-dire qu'on pouvait écouter le Move à 14h ou à 15h, mais on retrouvait pas les musiques qu'on pouvait entendre le soir chez Laura, par exemple, ou chez les cautionneurs. Alors, justement, vous avez travaillé sur une des émissions sur le Move qui s'appelait Glitch, et il a fallu quand même que je fasse un petit montage. J'avais demandé à l'animateur de l'émission, Adrien Landivier, de me faire un petit montage. Il n'a pas pu, mais en tout cas, je me devais de rendre hommage à cette émission qui m'a donné énormément d'inspiration pour l'antenne, tout simplement, de Fréquence Protestante. Un certain sens de l'ordre. Minuit, 1 heure, Glitch sur le Move avec Elvis dans la Yerda. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du silence radio. Alors, c'est un concept qui existe depuis 5 ans. On va revenir un peu dessus parce qu'on voit des fois qu'il y a des questions et que c'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir comment ça marche, combien de temps ça dure, quand faut-il se mettre en silence radio, quand faut-il mieux éviter de se mettre en silence radio. Donc, on va revoir tout ça rapidement ensemble. Tout d'abord, alors on va voir l'intérêt de se mettre en silence radio. Le principe est très simple, hein, ça va être de créer du manche. Bonjour. Bonjour. Votre couple vit une séparation ou est sur le point de connaître une séparation ? Non. Et vous vous demandez si vous pouvez encore reconstruire ? Je vous dis que non. La réponse à cette question est oui, mais pas n'importe comment. Il vous faut une méthode bien précise. Oh ! Cette question commence bien quittée. Je dois dire, me met moi-même mal à l'aise. Ça me rappelle bien sûr des événements très douloureux. Bon, je vais vous donner quelques réflexions. Attends, je vais te déguiser en masque. Bonsoir et bienvenue dans Glitch. Un peu de mélancolie ce soir, c'est la dernière de Clémence Bonfils qui réalise cette émission depuis le début. La fin d'une ère ici, le début d'une autre pour elle, ainsi va la vie radiophonique. Alors pour cette 86e heure de musique déviante à Radio France, en hommage à notre lien d'âmes immortelles, cette paix lui est dédiée. Elle aussi redoute ce départ, mais elle n'a pas le choix, son travail l'attend. Alors je le précise, c'est le mix donc de deux émissions qui s'appelaient donc Glitch que vous avez réalisé Clémence Bonfils pendant combien de temps ? 2 ans, je crois. Deux ans. Oui. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne vont peut-être pas adhérer à ce style musical, mais c'était vraiment un ovni radiophonique que j'ai suivi. Je crois que j'en ai pas manqué un seul d'épisode. J'ai quand même l'impression qu'il y a énormément de travail derrière toutes ces émissions. Est-ce que j'ai raison ou pas ? Non, il y a beaucoup de travail. Mais Adrien est un type fou. Enfin, là, vous allez peut-être pu vous en rendre compte, mais non, il est hyper créatif. Mais oui, il y a beaucoup de travail, mais surtout pour lui. Enfin, voilà, celui qui va chercher les sons, qui les monte, qui. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Comment voilà. Ce travail d'équipe se déroule, quoi ? Alors, moi, je pense que je l'ai plus aidé au tout début, quand il est arrivé, parce que lui avait jamais fait de radio. Il arrivait avec son projet, un peu fou, très novateur. Ouais, et il savait pas trop. Il m'a dit bon, moi, je pense faire ça comme ça. Mais il avait besoin, voilà, de quelqu'un déjà qui comprenne sa musique. Enfin, la musique qu'il avait envie de passer, avec qui ils s'entendent bien. Et nous, on a eu de la chance que ça a matché tout de suite, quoi. C'est tout de suite très bien entendu. Moi, j'écoute la musique qui passait dans ces émissions. C'est une musique que j'écoute à la maison, donc qui m'était pas complètement étrangère. Et puis, le personnage d'Adrien, c'est un type génial. Enfin, très attachant, très passionné par la radio, la musique qui passe, voilà, il a envie de la faire découvrir aux autres, parce que voilà, et donc moi, je ça a été une vraie comment dire, un vrai coup de cœur, une vraie rencontre professionnelle et humaine. Voilà, c'est vraiment dommage que cette émission n'existe plus, mais bon, peut-être on va la retrouver ailleurs. J'espère. Je le souhaite vraiment, oui, pour lui. Donc moi, au début, j'avais vraiment plus ce rôle de, voilà, au niveau de ta voix, donc, pour essayer de lui montrer un peu comment poser sa voix, les petits effets qu'on avait mis avec sa voix, voilà, le générique, comment on pouvait le faire, en tout cas, lui, il avait une idée précise du générique qu'il voulait. Et c'était à vous de la retranscrire. Non, la personne qui a fait, il a demandé à un copain musicien à lui de créer le générique. Moi, j'ai juste voilà fignolé 2-3 trucs, posé la voix dessus, parlé un petit peu timing sur la durée du générique. Voilà, donc c'est plutôt ce travail de voilà comment on articule l'émission, comment on enchaîne les titres, comment on habille cette émission, donc avec tous les sons autour, avec le son d'effet qu'il a sur sa voix, avec les liners qu'on pose comme ça. Qu'est-ce que c'est un liner, Clémence Bonfils? Un liner, c'est une petite voix à blanc qui vont citer, par exemple, le nom de l'émission, voilà, qu'on va dispatcher dans le son qu'on diffuse. Voilà. Donc il y avait voilà tout ce travail-là à mettre en place. Donc au début, donc ça a mis quelques semaines, quelques mois pour voilà arriver à une mécanique. Voilà. Et après, une fois que c'était lancé, lui a continué de travailler de son côté. Moi, on avait un échange sur ce qu'il avait choisi de mettre, sur comment on pouvait agencer tout ça. Mais pour être très honnête, nos heures de travail, on parlait beaucoup, beaucoup de musique, mais au-delà de son émission. Hein, c'était vraiment des « Ah ouais, alors ça c'est bien, nanana ». Donc on avait dépassé un peu le côté... relation professionnelle voilà. pure. Ouais, voilà. On était un petit peu après aller au-delà de tout ça. Et c'est ça qui est super dans ce métier, parce qu'on a la chance de croiser, je pense, des personnalités un peu bizarres parfois, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, et ça peut donner des rencontres super humainement. Voilà, ce métier est super pour ça, parce que on rencontre des gens. J'ai eu la chance de travailler par exemple avec Jackie Berroyer aussi pour son émission Mélomanie, qui était sur les moves, et pareil. C'est un type incroyable, d'une créativité folle. Immensément drôle, et c'était un plaisir de travailler avec ces personnes-là. Voilà, de sortir un peu de voilà, comme c'est des gens connus, enfin en tout cas pour Jackie Berroyer. Voilà, on se dit bon, en fait il y a des gens connus, mais qui peuvent être tout à fait abordables, tout à fait sympas, et ce qui est, je trouve, assez rare dans nos métiers quand même, de trouver des gens aussi. Aussi sympa, aussi ouvert, hein, qui se prennent pas la tête, quoi. Voilà. Le move, ça s'arrête quand et pourquoi? Le move, ça s'arrête il y a un an, un tout petit peu plus d'un an, bah pour enfin aller donc au DPR. Donc là, enfin, on me dit, tu as ce qu'on appelle donc une mobilité, c'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir comme c'est une maison très grande avec plein de métiers différents, plein de chaînes différentes, quand on est titularisé sur une chaîne, on peut partir 6 mois, 9 mois, 1 an, sur une autre antenne ou dans un autre centre, pour aller découvrir un autre métier. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec le DPR. Donc je quitte le move pour aller donc au DPR pour 6 mois, au début. Et ça s'est bien passé. Et moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et j'ai eu la chance d'être titularisée quelques mois après. Alors, rappelez le DPR, ça veut dire quoi ? Département production reportage. Alors, on vous met sur des émissions, on vous met sur une antenne. Enfin, comment ça marche ? Alors, en fait, c'est un centre qui fait toute la radio en dehors des murs de Radio France. Donc, c'est tous les métiers. En dehors de Radio France, donc on va avoir des sonorisateurs, on va avoir des preneurs de son, ce qu'on appelle en artistique, et un troisième volet qui est ce qu'on appelle le parler. Donc c'est là où moi je suis. Et donc là, nous, on travaille la majorité du temps soit avec des journalistes, soit avec sur des toutes petites productions, type aller enregistrer 2 ou 3 voix pour France Culture quelque part dans Paris ou ailleurs dans le monde. Voilà, donc on est voilà, le parler, c'est plus ça, l'artistique, musique, et puis la sonorisation, bien sûr, musique. Alors vous partez où? Vous partez loin, parce que ça peut être Paris, mais ça peut être partout dans le monde. Alors vous partez où, Clémence Bonfils, pour... Alors on peut partir partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, il faut aimer. Moi, j'aime bien voyager. En plus, c'est chouette de voyager comme ça. Au-delà d'aller en touriste, on y va pour un projet, pour quelque chose. Donc on peut aller vraiment partout dans le monde. On peut aussi bien traiter, enfin, si on parle de l'actu, aussi bien aller faire une Coupe du Monde de foot, une Coupe du Monde de rugby, les JO, voilà, Tour de France. Et partir sur des terrains de guerre, partir sur les catastrophes naturelles, partir faire un micro parce que il y a eu un braquage en région parisienne, aller au ministère de la Défense parce que le ministre de la Défense va nous dire quelque chose, ou à l'Élysée, voilà. Donc on va un peu partout. Et alors pour vous, plein de choses. Et vous êtes allé où? Alors moi, je viens d'arriver, donc j'ai pas encore fait énormément de choses. Mais j'ai eu la chance d'aller en Israël, d'aller en Algérie, d'aller en Grèce. Je suis allée à Auschwitz aussi. Et alors, est-ce que vous retrouvez cette adrénaline qui vous plaît? Parce que c'est là, on est un petit peu en dehors des studios, il y a quand même quelque chose de déroutant. Mais en fait, le travail reste le même. Techniquement, il y a toujours un micro, un fil pour aller dans une petite console pour mixer le son, et derrière un autre fil pour aller émettre quelque part. Donc après, c'est plus ou moins de micros, plus ou moins des petites ou des grosses consoles, mais concrètement, le boulot reste le même. Après, c'est les conditions. Comme on est dehors, on peut être dehors sous la neige, dehors sous la pluie, dehors sous le cagnard. Comme on part, on prend l'avion, donc on peut pas emmener des tonnes de matériel. Donc il faut emmener le strict minimum, tout en pensant qu'éventuellement un des matériels peut tomber en rade. Donc il faut penser à un secours. Donc c'est penser à plein de trucs. C'est faire de la radio, on appelle ça avec des bouts de ficelle, parce qu'on n'est pas en studio avec une console, avec le confort. Quoi. Avec le confort. Donc voilà, il y a tout un côté de préparation qui est pas le même. Des fois on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on va faire, donc on en discute avec le journaliste, avec le producteur dans l'avion. Ah ouais, donc tu vas faire ça, d'accord. Donc c'est vraiment l'aventure, quoi. C'est vous pouvoir pallier à toute éventualité. Et donc il y a vraiment ce truc d'indépendance aussi. Comme on travaille tout seul, il faut qu'on puisse comment dire. On a un vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la maison, dans la maison de la radio, il y a tout un tas de services. Il va y avoir le service de la téléphonie, le service informatique, le service de la maintenance des studios, voilà. Et nous, on doit tout faire, quoi. On est vraiment lâchés dans notre truc, et c'est nous-mêmes qui faisons notre install. Donc, s'il y a un problème, c'est pour nous, quoi. Et on peut pas appeler la maintenance pour dire, oh là là, attends, comment je fais? Est-ce que tu peux venir me dépanner? Donc, il y a cette pression-là de... Voilà, il faut que j'emmène un matériel et il faut que ça marche, quoi. Il faut que ça fonctionne. Voilà. La mécanique des ondes. L'invitée précédente, Wendy Bouchard, vous pose une question. Alors Clément, c'est Wendy Bouchard, on ne se connaît pas, mais je serais ravie d'entendre non seulement votre réponse, mais aussi votre évocation d'un métier que j'entreaperçois, mais qui est essentiellement masculin à mes yeux. Je ne travaille depuis 9 ans qu'avec des techniciens réalisateurs et je ne vois en délocalisation pour faire votre travail que des hommes. Et je voulais savoir s'il y avait une identité particulière que vous voulez insuffler et pourquoi vous avez pris embrasser cette voie qui est une lourde charge, une responsabilité. Et aimez-vous davantage accompagner les hommes ou accompagner les femmes? Peu importe, homme ou femme, ça me... Tant que ça marche... Voilà, je fais pas de différenciation comme ça de sexe. Je travaille avec quelqu'un... je travaille avec quelqu'un, voilà. Un journaliste, un producteur, une productrice, peu importe. Le but, c'est de faire du bon travail, de faire un chouette produit. Donc, je me pose pas la question je vais partir avec un mec, ou là, je vais partir avec une fille. On est dans la série Les Ondes Féminines. Alors, je voulais savoir si, justement, dans le milieu de la technique, quand même, être une femme, ça doit pas être extrêmement simple. Et comment on y fait sa place? Alors, je crois que j'ai plutôt de la chance par rapport à ça, c'est que je... Pour Radio France, ça va. Ouais, et puis à Radio France, il y a quand même beaucoup de filles, donc ça, c'est chouette. Pas au DPR, mais à l'antenne, en production, là, il y en a. Alors, c'est vrai qu'on est peu. Il y en a de plus en plus. Ce serait chouette qu'il y en ait encore plus. Et puis le côté technique, ce qui est vrai, c'est qu'il y a 15-20 ans, le matériel n'était pas le même. C'était beaucoup plus lourd. Donc c'était compliqué d'être, je pense, une nana au-delà d'être dans un environnement masculin, parce qu'il y a énormément de journalistes filles, donc bon. Donc voilà, pour porter tout ça, ça devait être compliqué. Maintenant, en 2015, toutes les filles peuvent faire ça. Hein, voilà, il n'y a plus une histoire de porter ou non des matériels, des choses lourdes ou. Sinon, vraiment, j'ai vraiment de la chance. Hein, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer trop de machos. Dans mon service, les gars sont vraiment sympas. Ils sont très contents d'avoir une fille qui arrive. Ils disent ouais, faut qu'il y en ait plus parce que ça ouais, c'est chouette quoi de mixer tout ça donc y a... ouais, j'ai vraiment eu de la chance quoi, j'ai pas encore trop ressenti ça en tout cas en interne. Ok, c'est parti pour le questionnaire rapide qui va être très rapide, Clémence Bonfils. La question spéciale pour cette série d'été, une femme de radio qui pourrait être votre modèle. Très ouais. Question rapide, femme de Laura Adler. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Comme j'écoutais pas vraiment la radio, je dirais Skyrock. Quelle radio vous réveille le matin? France Info. Quelle radio vous endort le soir? Pardon. C'est Nova que j'écoute. C'est pas du tout France Info. Enfin, j'écoute France Info, mais après. Mais sinon, ce que j'écoute en premier, c'est Nova. C'est vrai. Quelle radio vous endort le soir? J'irai Nova aussi. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Dans ma voiture. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Un endroit où je l'écoute jamais? Je sais pas. Dans ma chambre. Un meilleur souvenir de radio s'il n'y en a qu'un à retenir? Interception que j'ai fait en Grèce avec Sandy Dauphin. Et un pire souvenir ou un très mauvais souvenir? Un très mauvais souvenir. C'est difficile, j'essaie de les effacer moi dans ma tête, les mauvais souvenirs. Un très mauvais souvenir, première doublure à France Info, première fois qu'on me donne la console, on me lance la météo, donc j'envoie le PAD de la météo qui fait peut-être 40 secondes et je le coupe en plein milieu, je sais pas pourquoi. Donc il a fallu le relancer. Hein, voilà. Un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? Faire de la radio, mais parler dans le micro, à quelle faire de la radio? Ouais, faire de la radio. Ah ben, je sais pas. C'est difficile comme question. Il y en a qui m'ont répondu qu'ils en fassent. Qu'ils en fassent. Voilà. Ouais. Ça peut ouais, être. Oui, qu'ils en fassent. Ouais. Enfin, je sais pas. Ah, comme vous, à un moment, vous avez frappé à une porte et vous êtes rentré dans ouais, une radio. Il faut y aller. Voilà. Il faut y aller. Ouais. C'est ça. Il faut tenter, en fait. Bon bah merci beaucoup, Clémence Bonfils, pour ces trois quarts d'heure au sein de la technique au féminin. Et donc apparemment, c'est pas si difficile que ça. Donc finalement, c'est plutôt positif. Le message envoyé, je trouve. Il y a quand même de bons jours à venir pour les techniciennes et les preneuses de son. Cette émission, vous pourrez la réécouter sur notre site internet, le www.fréquenceprotestante.com, et évidemment la retrouver sur le site dédié de l'émission, lamecaniquedesondes.com. Merci encore, à bientôt.